De Canal B sur antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet. C'est l'asile le plus sûr qui reprend le cours de son actualité musicale, et une actualité musicale sacrément chargée en cette rentrée de la fin du mois d'août, début septembre, sur l'antenne du 94 MHz. On commence par un disque qu'on attendait depuis pas mal de temps. Il s'agit du tout nouvel album du trio Jean-Louis, qui est enfin paru cet été, au mois d'août. Il a éclos au mois d'août en forme vinylique, en coproduction entre leur propre label Tranche Musique et Quax Records. La version CD devrait sortir en septembre également. Et c'est comme toujours de la très belle mécanique extrêmement bien huilée et de haute précision, comme aurait pu dire Albert Marker, pour le combo du trompettiste Emeric Avis, du contrebassiste Joachim Florent et du batteur Francesco Pastacaldi. Les Jean-Louis qui sont en tournée actuellement aux États-Unis d'Amérique, excusez du peu. Ils ont joué à Brooklyn hier soir, c'est-à-dire dimanche 25 août. Un peu plus tôt, il y a quelques semaines, ils s'étaient d'ailleurs produits aussi à Reykjavik en Islande. Là, ils ont une petite tournée d'une demi-douzaine de concerts, notamment dans l'Ohio et l'Illinois. On leur souhaite bien du bonheur, et on attaque cet album Uranus par comme de juste le titre du même nom. Un morceau assez copieux et assez fleuve pour les Jean-Louis et ce très très bel album en parution, donc uniquement vinyle pour l'instant, et qui sera disponible courant du mois de septembre. On écoute ça tout de suite. We'll be right back. Uranus exalté en scorpion, comme aurait pu dire une certaine Elisabeth Tessier, le groove démantibulé du nouvel album de Jean-Louis, le troisième en date qui s'intitule Uranus, la conjonction d'une planète avec l'univers du trio parisien, qui a une production donc assez... Ils sont assez longs quand même pour sortir des albums, les Jean-Louis, un tous les 2-3 ans à peu près. On aimerait évidemment qu'ils produisent chaque année une nouvelle galette comme celle qui vient de paraître sur Tranche Musique, mais en coproduction avec Quax Records cette fois-ci. Jean-Louis donc qui sont partis à la conquête des États-Unis en tournée américaine. En ce moment, je pense qu'il risque de pas mal tourner à l'étranger dans les années qui viennent, ces trois gaillards. On continue avec un Américain cette fois-ci, mais un Américain, un guitariste sino-américain très exactement. Il s'agit de Dustin Wrong, ex-membre du groupe d'art rock Ponytail. Depuis quelques années, cet homme-là se consacre à une carrière soliste quelque part entre Fred Frith, Rhys Chatham, Terry Riley ou encore Mason Williams. Dustin Wong qui revient avec un tout nouveau disque long publié sur Thrill Jockey comme l'étaient les deux précédents qui étaient sortis en 2012 et 2013. Lui par contre il produit un rythme assez soutenu. À noter qu'il a d'ailleurs co-signé également au début de l'été un album en compagnie de la chanteuse Takako Minekawa. C'est sorti sur le label Nippon Plancha sous le titre Tropical Circle, un disque plutôt estampillé Toy Pop Song qu'il a enregistré à Tokyo où il réside depuis l'an dernier. Lui qui avait d'ailleurs grandi à Tokyo. On va écouter donc un bout de son très long disque Mediation of Ecstatic Energy. C'est un vinyle accompagné d'un 45 tours ou CD dans une pochette gatefold qui sort le 17 septembre, donc dans presque 3 semaines, entre 15 jours et 3 semaines, sur le label Thrill Jockey. Et comme toujours, donc une des musiques avec pas mal de loops et de boucles de guitare. Album entièrement instrumental de haut vol. On écoute deux titres enchaînés de ce Mediation of Ecstatic Energy par Dustin Wrong. Thank you. de mettre de la répétition sur l'antenne du 94 MHz avec à l'instant Cuterns, qui est l'alias depuis 2-3 ans de l'affreux British William Bennett, affreux vu ses frasques sonores au sein du duo Noise White House depuis le début des années 80 à Londres. Et avec ce projet, il revisite les musiques africaines ou haïtiennes qu'il adule, en les triturant bien évidemment avec ces textures assez froides ou assez noise aussi qu'il fait sortir de son ordinateur. Là, il s'agissait d'un EP très récent publié par le label des DJ britanniques Regis et Female, Downwards. Ce EP s'intitule Mad Woman et on écoutait Enchantment, un EP plutôt pas mal de Cuterns. Juste avant, il s'agissait donc du nouvel album apparaître de Dustin Wrong sous le titre Mediation of Ecstatic Energy. Ça sort sur le label de Chicago Thrill Jockey dans une quinzaine de jours, courant du mois de septembre. On enchaîne avec un autre album apparaître. Il s'agit d'Appalachian Excitation, un LP qui lui doit voir le jour à la mi-septembre également sur l'excellent label de Brooklyn Northern Spy. Il marque la rencontre entre Arnold Dreyblatt, qui est un vétéran des nouvelles musiques américaines façon Lamonte Young, Pauline Oliveros et autres Alvin Lucier. Bref, les musiques minimales mal, souvent en intonation juste, qu'il pratique sur une nouvelle lutherie à lui, à base de cordes étirées. Et donc il rencontre sur ce Appalachian Excitation un jeune combo psychédélique basé en Caroline du Nord du nom de Mecaphone, groupe qui apparemment aurait splitté à la fin de l'année 2012. Et comme cette rencontre date de septembre de l'année dernière, tous les espoirs restent permis. On écoute donc un extrait de cet album qui comporte que 4 titres, et c'est pas très étonnant vu la longueur des pièces. Ce soir, on écoute Home Hat Placement en attendant la sortie de ce Appalachian Excitation. À l'instant dans l'asile le plus sûr, le tout nouvel opus de Mr. Eric Copland, âme d'année du trio de Brooklyn Black Dice, disque publié au cours de l'été, sorti je crois en juillet chez DFA, par les bons offices donc de Mr. James Murphy de LCD Sound System, qui avait aussi sorti les tout premiers albums de Black Dice qui avaient déboulé au début des années 2000. Donc c'est une sorte de retour aux sources pour l'Américain, toujours empêtré dans un univers assez paranoïaque et globibulguesque. Alors c'est un tantinet moins bon que ses dernières productions solo ou en compagnie de ses camarades, mais c'est assez normal au vu de l'hyperactivité du monsieur, qui produit à peu près un album par an et également des 45 tours qui sortent à un rythme assez régulier. Donc celui-ci s'intitule Joke in the Hole, sorti mi-juillet, avec une pochette assez rigolote, des samples aussi amusants comme ceux qu'on a pu entendre sur ce titre Flushing Meats. Juste avant, on entendait une sorte de folk revisité par Arnold Dreblatt et Megaphone avec ce titre un peu en avance de l'album Appalachian Excitation que vous pouvez d'ailleurs écouter ce morceau Home Hat Placement sur le SoundCloud du label Northern Spy qui propose en général des extraits de la plupart de leurs productions. Donc ça sort à la mi-septembre, ce Appalachian Excitation. Voilà, on continue avec encore du folk, mais cette fois-ci produit par deux Français. Il s'agit de Julien Bonsillon à la guitare et voix et Basile Ferriot à la batterie, alias One Lickless. Ils ont fait paraître un peu avant l'été leur deuxième opus sous le titre de Spirits of Marine Terrace. C'est sorti en coproduction entre les disques du plomb Woosebrain Records et Vla Records en vinyle, avec une très très belle sérigraphie de Basile Ferriot. On va écouter leur reprise de Alifib, le titre de Robert Wyatt, ce qui me donne l'occasion également de vous annoncer une petite actualité pour Robert Wyatt avec la sortie sur Cuneiforme cet automne d'un album qui reprendra un certain nombre de titres qu'il avait pu créer en 1968, à peu près au moment du deuxième Soft Machine. Voilà donc des pièces inédites enregistrées aux États-Unis en studio qui n'avaient jamais vu le jour. Alors c'est 4-5 morceaux mais des titres assez longs. Il y a un titre d'ailleurs en écoute aussi sur le SoundCloud de Cuneiforme, si je ne m'abuse, de cet album 68 de Robert Wyatt. Et on écoute donc cette reprise par le duo One Lickless du morceau mythique Alifib. Maggie. À l'instant, sur l'antenne du 94 MHz, vous avez pu entendre Big N, combo noise américain qui sera au Mondo Bizarro demain, mardi 27 août, pour une soirée organisée par l'association Rennes Cafioul. Big N est un extrait d'un disque de rareté et single oublié des années 90 des titres qui avaient fait surface sur cette anthologie, ce florilège, pourrait-on dire, Dying Breed, publié en CD par African Tape en 2011, année qui marquait le grand retour de cette formation assez cultissime du free rock de Chicago. Ils avaient fait paraître un maxi également sur African Tapes cette même année. Et donc les Cafioul qui les avaient invités à l'époque, je crois que c'était au Jardin Moderne si je ne m'abuse, remettent le couvert cette semaine avec ce concert du Mondo le 27 août, donc pour 7 euros. Et en première partie, vous pourrez voir Minya Zavout. Voilà, juste avant les Big N, il s'agissait donc du titre de cette reprise assez fantastique de Alifib qui figure sur le deuxième album du duo One Leakless, Spirits of Marine Terrace. C'est sorti en vinyle exclusivement et je crois savoir que c'est disponible depuis le mois de juillet chez un disquaire rennais de la rue Poulain du Parc. Voilà, mais je ne vous en dirai pas plus. On continue avec le tout nouvel album de la guitariste du jazz contemporain américain Mary Halvorson, Illusionary Sea, qui doit voir le jour sur le label Firehouse 20 le 10 septembre, donc un CD pas encore disponible, sur lequel figure d'ailleurs également une reprise de Robert Wyatt. Je crois que c'est une reprise de Schlip, un album de Robert Wyatt des années 90 qui conclut ce disque Illusionary Sea, sur laquelle on la retrouve aux côtés de six musiciens, au cuivre le trompettiste Jonathan Finlayson et le tromboniste Jacob Karchik. Il y a le saxophoniste de Mostly Other People Do The Killing, John Irabagon, en compagnie d'une autre saxophoniste, Ingrid Lowbrock, qui joue régulièrement avec Mary Halvorson. John Ebert est à la basse, Etienne Smith est à la batterie, Marie Halvorsen, qui est une actualité sacrément chargée ces dernières années, à peu près 6-8 albums où elle figure, soit en tant que leader, soit en tant que sidewoman. Récemment, elle a participé à un septet d'Anthony Braxton sur un disque publié par Victo, également un combo en compagnie de Stéphane Crumb, plutôt un duo sous le titre Secret Keeper sur Intact Records. Elle a joué aux côtés de Chess Smith dans son excellent groupe Ziz Archies sur un disque de Clean Feed, et je crois qu'elle va faire paraître un autre projet qui s'appelle People avec Kevin Chi également de Mostly Other People Do The Killing. Donc une actualité sacrément chargée pour la guitariste américaine, et on écoute le morceau Butterfly Orbit de ce Illusionary Sea par le Marie Halvorsen Septet. Thank you. La guitare jazz à l'honneur dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord un extrait du prochain album de Marie Halvorsen Septet sous le titre Illusionary Sea. Ça doit sortir courant du mois de septembre sur le label Firehouse 12. Et c'était enchaîné avec un trio cette fois de Polonais. Le guitariste Raphaël Rogrinski, accompagné par le saxophoniste et clarinettiste Mikołaj Czaszka et le batteur Marcio Moretti. C'est un trio qui s'intitule Chauffard, qui a fait paraître son deuxième album sous le titre A Unquote sur le label du saxophoniste Kilogram Records. Et c'est une musique qui a des consonances un peu klezmer, un peu musique acidique et ce genre de choses, d'assez bonne facture, très très bel album qui fait montre du renouveau qui est en ce moment en Pologne du côté du jazz contemporain, comme on a pu s'en rendre compte avec quelques parutions récentes, notamment le duo Microlective qui a sorti un disque sur le label de Chicago Delmark, ou encore la grande formation Power of the Horns et leur disque qu'on avait écouté un peu avant les vacances sous le titre Alaman, sorti sur Fortune. Voilà, on va continuer avec un autre projet que j'avais déjà eu l'occasion de vous passer dans l'asile le plus sûr. Il s'agit de The Whammies, qui est un groupe de musiciens à la fois américains et européens. Dans les européens, il y a notamment le hollandais Joris Dijkstra, saxophoniste de son état qui réside aux États-Unis, et son collègue Pandelis Karayorgis, qui lui est pianiste et qui est aussi un exilé aux États-Unis. Et il joue en compagnie de Jeb Bishop au trombone, de la violoniste Marie Oliver, du bassiste Ned McBride et du vétéran du jazz free européen Anne Benink sur ce projet The Whammies, entièrement dédié à la musique de Steve Lacy. Un deuxième volume des compositions de Steve Lacy joué par The Whammies vient tout juste de paraître sur le label Drift Records. Le précédent était sorti si je ne m'abuse, en 2012. On écoute le titre Lumps, qui est d'ailleurs dédié à Samuel Beckett par les Whammies. Thank you. La Cumbia de la Luz, un titre ultra groovy de Imperial Quartet pour conclure l'asile de cette semaine avec un extrait donc de leur deuxième album qui est sorti au mois de juillet sur le label Naïve sous le titre de Slim Fat, donc le quatuor entre les deux saxophonistes Damien Sabatier, Gérald Chevillon, le batteur Antonin Lemery et Joachim Florent à la basse et contrebasse, qu'on connaît aussi comme bassiste de Jean-Louis, qu'on écoutait en début d'émission, donc histoire de boucler la boucle pour l'asile de cette semaine. Après donc le Uranus de Jean-Louis, le Slim Fat d'Imperial Quartet, même si j'ai une petite préférence pour le premier disque d'Imperial Quartet, qui s'intitulait À voir de près, voilà, c'est ça, sorti en CD il y a de ça 2 ans, pour lequel les compositions étaient nettement plus intéressantes, je trouve. Mais bon, un album plutôt écoutable quand même, ce Slim Fat par Imperial Quartet. Juste avant, donc, il s'agissait de The Whammies et la musique de Steve Lacy sur le label Drift Records, donc par un combo d'Américains et d'Européens dans le jazz contemporain également. Je voulais vous signaler, avant de rendre l'antenne, un festival à ne pas manquer cette semaine qui se déroulera du côté de Nantes et de l'Erdre, donc les Rendez-vous de l'Erdre, nouvelle édition en cette fin du mois d'août, avec un festival donc qui commence fin de semaine, vendredi, et qui se terminera dimanche soir, avec une quantité de grosses machines à voir gratuitement. Je pense notamment à Michel Portal, Irakli, Aldo Romano, il y aura aussi Médéric Collignon avec ses reprises de King Crimson et son jukebox, également les Heliocentrix et des formations aussi un peu plus rares tels que Rubatong, excellent combo hollandais que je vous ai proposé le mois dernier, dans lequel on retrouve Lukex et pas mal, et 3 autres musiciens tout aussi intéressants. Il y aura aussi Faust qui jouera dimanche soir sur la scène Mix Jazz, donc ce sera en fin d'après-midi, début de soirée à Nantes. Et également le dernier projet de Paul Rogers qui s'appelle Wahey, un très beau trio à ne pas manquer au Rendez-vous de l'Erdre ce week-end. On termine avec une séquence de musique électroacoustique et le dernier album en date de Bérangère Maximin ou Maximine. Il s'intitule Infinitésimal, il est sorti sur Sub Rosa un peu avant l'été, donc toujours une musique qui fait pas mal penser à du Luc Ferrari ou à certaines expérimentations du groupe de recherche musicale. Je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. On termine donc avec un extrait du 3e mouvement Distance de Infinitésimal de Bérangère Maximin. Bonne nuit, à bientôt. We'll be right back.